Gérard, Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. C'était David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Donc voilà. Donc on va continuer le débat maintenant. On est toujours dans les débats de Gérard, voilà. Sur Fun Radio. Avec 0800. Si vous voulez nous appeler 0800 308 5000. 0800 70 5000. Et pour les Belges 0331 47 99 79 5000. Et toujours le 3615 comme Fun Radio, rubrique directe. Donc on va enchaîner le deuxième débat. Donc ce débat là c'est... J'ai pas eu le temps de trop préparer les questions, ça vous m'excuserez. Mais petit à petit je pense je vais y arriver. Donc, pourquoi que les nanas nous forcent à manger? Donc, on va récupérer, On récupère Karen, Marcel, Anthony, Alan, Gégette et Buffalo. Ouais, salut Gérard. Ouais, salut. Gérard. Bonsoir. Gérard. Ça y est. Coucou, Gérard. Non, mais ça y est, vous n'allez pas recommencer. Mais non, comment? Non, mais maintenant que j'ai posé, vous avez eu le temps de répondre, de voir la question. Ouais, bien envoyé. Alors, maintenant, vous répondez. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais, bien envoyé, Gérard. Avant tout, je voulais dire que tu chantais comme une pétasse. Bon, alors, dans ce cas-là... Attends, toi, celui qui vient de dire que je chante comme une pétasse, tu dégages. Et celui qui vient de dire qu'on abandonne les chiens sur la route, tu dégages. Ouais, ouais, contre dégage, la différence d'âge. Ouais, bien envoyé, Gérard. Hop. Ouais. Alors, maintenant, les nanas. Ouais. Vous répondez à la question. Ouais. Est-ce que... Gégé, oui. Pour pas gâcher la bouffe. Non, mais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on fait chasse à la cuisine et en plus vous bouffez rien. Ouais, mais alors. Alors c'est normal qu'on vous fasse. T'as vu la cuisine que tu fais? Non, mais attendez. Ouais. Attendez. Moi, il ouais. y a une question là que. Attendez, c'est vrai, tu chantes comme une pétasse. Ouais. Bon, alors tu dégages, hop. Tu me retires. C'est lourd. Julie, tu me retires celui-là. Ouais, bien envoyé, ouais. Celui-là, j'en veux plus. Ouais, bien, Gérard, c'est bien. Celui-là, je le veux plus. Gérard, tu peux répéter non. la question? Bah dans ce cas-là, moi, je vais... À 3h, je laisse la place à Yannick. Non, Gérard. Gérard, c'est sur mal. Allez, Gérard, assure. Gérard, j'ai envie de te sucer. Mais arrête tes conneries, laisse-le parler, il va encore gueuler. Gégé, répète la question, s'il te plaît, on n'a pas bien compris. Vas-y. Oh là, les pourquoi j'ai... que les nanas nous forcent à manger? Pourquoi les nanas vous forcent à manger? Gérard! Et pourquoi que les nanas... C'est Karen. Pourquoi vous nous obligez à manger, là? On vous oblige à manger parce qu'on fait la bouffe. Ouais. Déjà, on fait chier, puis après vous râlez. Ah, c'est pas bon, on n'est jamais aussi bien dans une personne. C'est normal, vous êtes là pour faire la bouffe. Elle pue la merde, ta bouffe. Elle pue la merde, mais qu'est-ce que t'en sais? T'as déjà mangé chez moi? Non, alors ta gueule. Non, mais attends, mais Gérard, sois pas agressif, connard. Alan. Oh, vous vous calmez, là. Ouais, déjà. Alan. Ouais, Alan. Et moi, je force pas mon mec à bouffer ma bouffe, c'est clair. Ouais, mais attends. Alors, non mais par contre tu le forces à te me bouffer la moule quand même. Ouais, ça ouais. Mais non, attendez, la question c'est pas ça, hein. C'est pas forcer de bouffer la chatte de la nana. Ah non, mais la moule c'est pas la chatte, non. C'est la moule c'est déjà. C'est où la fruit de mer? Ça n'a rien à voir, la moule et la chatte, hein, Gégé. Non, il a mis déjà là, alors. Ah bon, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non mais, faut que tu relises les instructions dans le manuel. Tentacule ta sœur, ça veut dire quoi? Quoi? Tentacule et encule ta sœur. Ah, je sais pas, tu fais ce que tu veux avec ta sœur. Mon Dieu, Gérard, t'es vulgaire. Ah, bah, attendez. Vous me dites que ça n'a rien à voir, la moule, et puis la moule d'une nana, si c'est pour moi, c'est pareil. Mais non, une moule, c'est un fruit de mer. Ouais, c'est un fruit de mer. Ouais. Coucou, Gérard. Oui. Qui c'est qui est... Je te dis qu'une moule, c'est un fruit de mer. Ouais. Bon, attendez. Gérard, bon, moi, je t'ai dit que mon mec, je ne forçais pas à manger ma bouffe, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas envie de manger, il mange pas, quoi. Que c'est dégueulasse. Non, mais c'est très bon, hein. Je suis un cordon bleu d'ailleurs. Et il y a Raymond sur Minitel qui dit qu'il faut que t'arrêtes ce débat-là, il est trop vulgaire. Bon, bah attends, si elle n'est pas contente, Raymond sur Minitel. Qu'elle a été enculée, la salope. Oh, non, mais attendez. Mais tu vois, ils connaissent tes répliques par cœur. Et à la place du mec que t'as viré, on accueille Jack. Jack. Ah, salut Jack. Salut Jack. Moi, je voudrais demander au mec quel est votre plat préféré. Salut Gérard. Vous préférez que les mecs, les nanas vous fassent. Alors, ouais, voilà. Et la tarte au poil. Hein? La tarte au poil. De quoi? La tarte au poil. C'est quoi ça? C'est un truc, c'est fait avec de la moule. C'est quoi ce recette bidon? Eh ben c'est... Non mais attendez, non mais attends, c'est pas parce que on m'a dit de dire plusieurs fois tarte au poil, une poil, je sais pas quoi là, une recette encore bizarroïde. Bah, c'est une tarte dans une poêle qui est faite dans une poêle. Je veux dire, c'est la Christine, elle doit être énorme, t'en bouffe pour 3 jours. Il est trop crack ce mec. Je suis désolée Gérard, mais si t'avais écouté Max a parlé de la tarte au poil l'autre jour, il a dit qu'il en avait reçu. Excusez-moi. Tout simplement, une tarte faite avec les poils de fouf des nanas. Poils du cul de Gérard aussi. Oh, le Père Noël a une excellente réponse. Pourquoi berk. Gérard, pourquoi les nanas te forcent à manger? Pour que tu parles pas la bouche pleine, comme ça t'arrêtes de dire des conneries. J'ai encore des poils de la foufoune à Christine dans la bouche, ça t'excite? Lui, tu le calmes. Dégages. Non, attends. Tu dégages. Non, Julie, s'il te plaît. Allez. Ouais, tu le dégages. Ne renie pas ton passé, non, Gérard. Non, mais attends, toi, tu... Gérard, non, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Non, mais c'est bon, vous avez très bien compris. Alors moi, je vais vous dire une chose. Mais Rare, t'es sorti avec un steak, mais c'est pas grave. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Moi, je vais vous prévenir d'une chose, que pour l'instant, il n'y a aucune nana qui m'a forcé à manger. Ah, c'est clair. T'es un cadavre. Merci. Est-ce que aucune nana t'a fait à manger ? Non, non, mais attends, il n'y a aucune nana ici, parce que je viens d'aller manger chez quelqu'un et bon ben. Comment ? T'as revu la grosse, qui, Gérard ? Elle t'a pas fait à manger, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de bon, la grosse ? Je t'ai invité, tu manges, non ? Attends, toi, Lascar, qui vient de dire la grosse, je vais te dire une chose, déjà, elle n'est pas grosse. Oh, le coucou, le mignon, là, déjà, c'est la grosse. Ne raconte pas n'importe quoi. De quoi ? Elle est guêpe, elle est hyper grosse. Je l'ai déjà vu, Christine, elle est grosse. Est-ce que mais attends, déjà, c'est pas Christine, d'accord ? Et tu vas arrêter avec Christine, ok ? Ouais, elle s'appelle comment, celle-là ? Christine, on a dit la grosse. Non, non, mais elle s'appelle pas Christine. Tu l'appelais la grosse ? C'est qui, c'est la rousse, hein ? Non, non, plus de toute manière, vous n'aurez pas son nom. Elle tient dans la cabine. Vous n'aurez pas son nom de la personne chez qui j'ai été mangé ce soir. C'est Majax, son nom de famille. Gérard, son prénom. Gérard, un peu de publicité. Et en plus... T'as été bouffé chez la sirène. Non, et en plus, ce que j'ai mangé... Ouais, c'est dégueulasse. C'était la première fois que j'ai mangé... Ta main. Non, que j'en ai mangé... Ta boule. La tarte au poire. T'as bouffé ta boule, c'est souple. Une raclette. Une raclette. Waouh, putain. T'as quel âge? J'ai mangé de la raclette ce soir. Wow, pour la première fois de ta vie. Bravo, moi je dis bravo. Ouais, bravo, attends. On peut dire le César de la raclette. Applaudissez. Bravo, bravo Gérard. Eh ben, si elle m'écoute, elle est là-haut. Gérard, t'as la télé chez toi. Je crois qu'elle est en haut. Au 7e ciel. Je crois qu'elle est en haut, mais bon ben, si elle peut venir, on verra ça tout à l'heure, elle vous le dira. Oh, putain, merde. Donc c'est la seule qui m'a forcé à manger ce soir. Ouais, donc elle a raison. Donc c'est ça, toutes les nanas faites lui de la raclette. Hein. Non, j'ai été forcé de manger. Le jour de mon anniversaire, ça a été pareil parce que vu que c'était bien entouré, j'étais obligé de manger. N'est-ce pas non, mais Gérard, non, mais elle est allée dans le studio, mais les gens la voient pas, donc continue à parler. Non, mais il y en a une qui s'en va là, c'est bizarre. Elle veut pas répondre. Ah non, c'est normal. Donc, mais parce que c'est pas le sujet du débat, Gérard, donc ça se fait que tu enchaînes. Si, parce que les deux personnes m'ont forcé à manger, donc. Question suivante. La troisième question, comment fait-on la raclette ? Question suivante ! Est-ce que tu peux nous faire des crêpes, Gérard ? Non. Pourquoi ? Un jour, est-ce que tu pourrais faire comme Françoise et nous donner une recette de cuisine ? Vous voulez des recettes de cuisine ? Ah, une recette, Gérard. Allez, le sorbet, Gérard. Crade, hein. Non, non, mais une bonne, vas-y, fais-la. Non, mais moi, je vous en donne une super crade. Vas-y. Ouais. Alors, des spaghettis. Ouais. Non, mais tu l'as déjà donné, celle-là. Non, non, des spaghettis à la bolognaise. À la bolognaise. Bon. Des spaghettis à la bolognaise. À la bolognaise. Moi, j'aime pas les pâtes. Hein. Non, mais attendez. Là, moi, c'est une recette à moi. Et vous allez voir qu'elle est super crade. Vas-y. On présente la recette de Gérard selon Gérard. Tu pues la merde, Gérard. Prise première. Les spaghettis à la Gérard. Stop ! Vas-y, Maïté, vas-y. Eh, le mec, il arrête pas de gueuler, là, putain. Alors, la recette du Gérard. Spaghettis à la... Gérard, tu veux répéter la question, s'il te plaît ? Et celui qui s'amuse avec un téléphone pourri qu'avec un portable, c'est pas la peine de continuer. Ouais, t'as de la place. Bon, les spaghettis à la bolognaise, selon Gérard. C'est bon. Vous faites chauffer de l'eau. Vous mettez vos spaghettis dans l'eau. On veut combien de temps, les spaghettis? Pendant les bouts? Non, vous coupez les spaghettis. Gérard, on les coupe. T'as gueule quand je parle, toi. En combien? Les spaghettis, on peut les foutre dans ton cul. Arrête. Laissez parler Gérard, vas-y Gérard. Moi je t'écoute, moi je suis intéressé. Vous faites chauffer l'eau. Une fois, vous mettez de... Tu l'as fait chauffer avec quoi, l'eau, Gérard ? Petit feu, question. Avec quoi, tu veux faire chauffer de l'eau, espèce de petit con ? Ah ouais, t'es un peu con, là, surtout. Calme-toi, Gérard. Non, attends, avec du gaz, de l'électricité, c'est important. Non, mais de toute manière, ils savent très bien comment qu'on fait chauffer de l'eau. Hein. Et quand on est en camping ? Ouais, bah quand on est en camping, t'as des réchauds, d'accord ? Après, une fois que l'eau est bien chaude... Est-ce que tu peux faire ça en vacances ? Oui. Dans une caravane Bien sûr. En camping ou à la mer? Tu peux faire ça. C'est vrai que c'est pas un peu risqué dans une caravane de faire chauffer de l'eau? Non. Pourquoi? Donc, après, une fois que votre eau a bouillu... Vous mettez vos spaghettis. Bon, ça y est. Allez, vas-y, on met des poils de zizi aussi dedans, non? Vous mettez vos spaghettis, une fois que vous attendez 5-10 minutes, pas plus, vous ajoutez tout ça, vous mettez un peu de beurre dans votre casserole, ta gueule, voilà, vous mettez du beurre dans votre casserole, vous mettez vos spaghettis, mais par contre, pour faire la sauce à la bolognaise, une question bête et méchante à 10 balles. Et là, tu chies dans la casserole, Gérard. Non, vous attendez, voilà, là. Vous mettez un camembert déjà. Un camembert. Bien, bien ferme dehors. Quel genre de camembert hein? N'importe quel camembert. Moi j'ai une meilleure idée, c'est vous attendez. Non, stop, mais vous attendez que le camembert, il y aille des asticots. Ah. Vous mettez les asticots. Non mais attendez. Vous mettez les asticots. Stop, laissez-moi finir ma recette. T'es plus fort en cuisine qu'en gonzesse apparemment. Mais vous mettez vos asticots dans la gamelle avec tes spaghettis. Gérard, j'ai encore une meilleure idée. Moi. Alors là, c'est quoi comme asticots? Raison. Vous allez me la fermer. Les genres d'asticots les mêmes qu'on utilise à la pêche? Ouais, voilà, les mêmes. Il y a plusieurs sortes. Ouais, tu vas souvent à la pêche, Gérard? Non, mais attendez. La meilleure sauce. Tu les pêches quand même, les asticots? Eh, tu veux nous intoxiquer? Gérard, un peu de calme, s'il te plaît. Prends ta queue dans l'eau et ta mort. Non, mais après, vous attendez pour avoir la sauce tomate. Là, c'est la. C'est le truc que tout le monde attend. Je t'ai cuisiné, ouais. Attention, tu vas nous faire une grosse surprise, là. C'est quand la nana a ses ragnagnas, vous mettez la casserole en dessous, vous attendez que ça coule. Et là, vous jette tout avec du gruyère, du sel et du poivre. On comprend pour la personne de rire avec toi. Tu vois, dégueulasse, toi. C'est trop compliqué, ta recette, Gérard. Ce qu'il faut faire, c'est manger 3 kilos de viande la veille et tu chies dans la casserole directement. Mais le mieux, c'est d'attendre que la nana... Gérard, en plus, c'est nul, tu peux pas le manger. Léon, on comprend pourquoi personne ne veut manger chez toi. T'en as déjà mangé? J'ai jamais invité personne à manger chez moi. C'est normal, c'est quand même que quand on fait la cuisine. Non, mais... Parce que ça sent de loin, putain. T'as fait des bolognaises avec Christine? Je te répondrai pas, tu vois. Là, t'es tranquille. Pourquoi elle aime une bolognaise, Christine? Pourtant, les règles à Christine, ça doit être pas mal quand même. Comme c'est quoi, ouais, là, t'as pas dit 5 ou 10 minutes? Non, mais. C'est qui, Christine? Ça vous regarde pas. C'est un steak. C'est qui? Un steak. Ah bon? C'est ton mec, Christine. Ah, ok. Ah, ouais. C'est ça, t'as raison, toi, pétasse. Ah, c'est une pétasse, la folie. Ah non, c'est pas la chante comme une pétasse. Continue ton débat maintenant, Gérard. Donc, ça y est. Ça y est, vous avez compris Marcette? Ouais. Bon, c'est bien. Si vous ne l'avez pas compris, vous... Vous allez vous faire foutre. Non, mais vous écrivez à Fun Radio, je vous la referai. Gérard, est-ce que je peux t'écrire directement? Tu me files ton adresse et comme ça, je t'écris directement. Ah, non. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui connaissent? Bon, maintenant, Gérard, est-ce que tu peux donner la recette de la sucette magique à la loco? Ah, elle est déjà sur Internet. De la sucette d'anus, Gérard. Ouais, aux chiottes. Hein. T'es contente de ta connerie, toi? Ouais. Celle qui vient de dire ça, la nana? La pétasse. Non mais t'es contente de ta connerie là? Ouais, c'est qui a dit ça d'abord hein? Ouais, attends. Non, c'est un mec. Non, c'est toi. Attendez, faut pas confondre tentacule et encultasseur. Hein. Voilà. Bravo, Gérard. Fini dans un tunnel de blanc. Gérard, t'es pas poli là, c'est pas bien. Bah, je suis pas poli, mais attends. Eh non, la pauvre la fille, tu vas la laisser quoi. Attends, déjà, y en a un. Il y en a un ou une qui a quelqu'un derrière qui lui souffle. Ouais, un ou une, Gérard. Ouais, ça je suis sûr. C'est un ou une. Hein? Quoi? C'est un ou une. C'était quoi la vanne de tout à l'heure? Mets-lui un sac sur la tête et... Ouais, mets-lui un vase sur ta gueule et va te faire enculer. Ah, ouais, là, peur, Gérard. Voilà. Il va écrire un livre, là, récemment. Eh, Gérard, putain, vulgaire. Les vannes de Gégé, Gérard. Est-ce que tu aimes te faire enculer? Gérard! De quoi? Est-ce que tu aimes te faire enculer, justement? Non. Est-ce que tu aimes... Puisque tu en parles tout le temps. T'aimes enculé, Gérard. Gérard. Ouais, putain. Gérard. Quoi? Est-ce que tu aimes tout court? Non. Tu vois? Ouais. Gérard, est-ce que ça, tu aimes la fellation? Répondez. Gérard, c'est quoi enculer quelqu'un? Non, mais allez-y, posez-moi des questions. C'est des vacances. Et puis là, comme tout le monde, il y a quand même pas mal de monde dans le studio. Puis que depuis le temps, tout le monde veut savoir ma vie privée. Ça t'excite. Alors, allez-y. Tu réponds aux questions? Je vais essayer de répondre à vos questions. Mais n'importe lesquelles. Tu réponds. Attendez. Je répondrai par oui ou par non. D'accord, non, moi j'ai le pronom. Déjà. Stop. Alors, Florent et Julie, au standard. Florence, s'il te plaît, au standard. Julie, là. Oui. Julie, tu calmes les deux mecs qui répondent poliment et sans insultes et sans roter, sans, sans rôter. Oui, mais Gérard. Je suis désolé, Gérard, tu es vulgaire. Non, non, mais là. Et tu n'es pas poli. Non, mais là. C'est la même chose. Là, je vois pourquoi les auditeurs devraient être gentils et polis avec toi. Non, mais Gérard, attends, Gérard. Là, je vais répondre parce que, comme tout le monde veut savoir ma vie privée, depuis 2 ans que je travaille avec vous, au bout de 2 ans, je vais quand même vous dire. Ok. Ouais, mais Gérard. Des trucs. Tu veux nous dire quoi? Oui, mais attends. Je répondrai sur ma vie, mais que par oui ou par non. Écoute la radio, il vient de le dire 5 fois déjà. Donc Gérard, tu réponds. La radio. Mais Gérard, tu réponds, mais tu dis pas, je vous le dirai pas. Tu réponds à toutes les questions. Non, mais je réponds que par oui ou par non. Oui, mais à toutes les questions. Ok, on y va. Mais attention, stop. Sans parler de Christine, de Carole, et de toutes les questions. Toutes les questions. Toutes les questions. Par oui ou par non. Non. Oui. Alors sans, sauf sur Christine. Toutes les questions. Première question. Déjà, celui qui se marre, t'as du monde derrière, tu. Bon allez, on commence. Première question. C'est Anthony. Non. As-tu fait un cunilingus à Christine? Non. Première question. Non, bon, mais attends, Gérard, c'est pas tu toi peux qui poser la question. Est-ce que t'as sodominé la grosse? Non. Gérard, j'ai une question à te poser, c'est Anthony. C'est pas possible, t'es un comédien, on peut pas être aussi con. Alors, réponds. La question se passe sur ma vie, donc je te réponds. Mais c'est pas possible, t'es un comédien, t'es payé par Fun Radio, c'est pas possible. Gérard, c'est qui t'a appris à cuisiner, hein? Moi-même. Il y a une question sur Minitel. Stop. Combien faut te payer pour que tu fermes ta gueule? 0 francs. Donc c'est qui vient de dire ça? C'est gratuit, Libérator. Libérator. Eh ben Libérator, dans ce cas-là, t'arrêtes de dépenser ton fric sur Minitel, ça va te coûter très cher à la finale. Mais comment tu sais? Là, c'est ton problème. Hein. Question de Duplon. Te branles-tu de la main droite ou gauche? Aucune. Te branles-tu déjà? Gérald. Avec les dents, il se branle. Te branles-tu déjà au moins? Gérald, c'est des autofellations. C'est qui Gérald, qui il mesure combien ton sexe? GG. Bah oui, c'est lui. C'est celui qui parle qui pose la question. Non, mais il mesure combien ton sexe, hein? Question de Madame Martine. Est-ce que tu repeins les murs tout nus? Non. Gérard, il mesure combien ton sexe, hein? 22 cm et après. Ouais, d'accord. Non, on a dit la vérité, Gérard. GG, as-tu une grosse poitrine? J'ai pas de sang, je suis un mec. Gérard, est-ce que tu encules ou tu te fais enculer? Il fait les deux, moi je sais, à la locomotive, j'ai eu l'expérience, je peux te dire qu'il s'est fait bien défoncer le trou de cul, quoi. Dans les chiottes. Exactement. Non mais ça vous fait rire avec l'histoire de la loco? Est-ce que c'est vrai que tu as taillé la bite de Tony en Toblerone? Ça t'amuse de te faire sodomiser, hein, c'est un problème, hein. Réponds question, Gérard, c'est toi qui as proposé. Non mais attends, Gérard, as-tu mis la bite de Tony en Toblerone? Non mais là c'est des questions bidons, donc c'est mais pas... Non, mais c'est pas non. Non mais ça c'est pas des questions pour savoir ma vie. Tu crois que ta recette comment, ta recette n'est pas bidon peut-être? Non mais... Ouais, c'est sûr que Jean-Marguez que tu pètes. Et c'est qui la pétasse qui a dit ça? Mais si vous êtes pas content dans ces cas-là, on va laisser Yannick. Hein. Gérard, pourquoi au lit? Non. Gérard, pourquoi est-ce qu'il te manque une dent? Gérard, est-ce que j'ai eu un problème, c'est tout. Gérard, est-ce que tu manges tes loups de nez? Gérard, est-ce que tu pisses au lit des fois? Non. Non? Gérard, est-ce que tu pues du cul? Non. Oui, moi je peux te dire que oui, hein, je l'ai senti son cul. N'importe Gérard, quoi, est-ce que tu connais Gante? Il se fout la bouteille d'Antarctique dedans, donc ça j'ai va. Même léché l'anus à la locomotive, je peux dire que c'est... Ah, très bonne question. C'est kitsch. Gérard, t'arrives-t-il de réfléchir? Oui. Ok. Non, c'est pas possible. Approuve-le. C'est pas vrai. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a que les mecs qui posent des questions. Non, là, c'est Alan. Alan qui pose une question. Gérard, es-tu intelligent? Gérard, peux-tu nous faire une phrase en français correcte? Gérard, es-tu beau? Oui, laissez-le répondre quand même. Gérard, t'es beau? Laissez-le répondre quand même. Gérard, es-tu beau? Oui. Tu es beau? On m'a dit sincèrement de répondre aux questions. Non ouais mais sincèrement. Sincèrement. Bah es-tu beau? Tu dis non. Bah pourquoi non? Parce que c'est la vérité. Bah, attends, toi de toute manière c'est pas à toi que je m'adresse, ok? Gérard, tu as une moustache. Gérard. Gérard, j'ai une question. Joues-tu d'un mec? Gérard. C'est Bénédicte. Vas-y Médénite. Vas-y. Est-ce que tu pourrais faire de la pub pour Adidas? Quoi? Est-ce que tu pourrais faire de la pub pour Adidas avec Cantona? Non. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu vas être le représentant de Patou en Albanie? Non. Alors Gérard, t'arrives-t-il d'être civilisé? De quoi? D'être civilisé. C'est quoi ça? C'est LOL qui pose ça. Non, attends, là c'est une question complètement au bidon. Non. Non, bah voilà. Gérard, est-ce que tu vas travailler à Fun l'année prochaine? Oui. Non. Tu vas te faire enculer à Fun l'année prochaine. Alors toi, mon petit con. Tu te dégages. Là, alors toi, attends. Toi, celui qui vient de dire est-ce que je me fais enculer par Fun l'année prochaine, et ben toi, tu vas te faire enculer parce que tu repasseras pas l'année prochaine sur l'antenne. Ouais, viens m'envoyer, ouais. Gérard. Et ce qui va se passer l'année prochaine, avec moi, avec Fun, ça ne regarde pas. Tu ça ne vous regarde pas. Ça regarde moi je et sais. Max. Ouais, question de Gérard, est-ce que c'est vrai que Tony va co-présenter les débats avec toi? Non. Ouais, question de Manu sur Minitel. Gérard, peux-tu la fermer? Non. Ouais, mais donnez vos noms quand vous posez des questions. Mais réponds un peu plus que par oui ou par non, s'il te plaît, Gérard. Est-ce vrai que tu as eu des rapports avec Arnett, hein? Non. Oui. Oui, menteur. Non. Arrête de mentir. Ah non, c'était avec Luigi, pardon. Non plus. Avec les trois, moi je dis. Dans les chiottes de la loco, les trois en même temps. T'as vu, j'ai raison. Non mais allez, Florent, avec l'histoire de la loco, maintenant ça commence à bien faire parce que c'est toutes les semaines, je commence à en avoir ras-le-bol. Bah oui, t'as qu'à pas faire sodomiser toutes les semaines. Déjà, c'est faux. Ouais. Mais c'est toutes les semaines. C'est du lundi au vendredi que j'entends ça sur l'antenne. J'ai vu les photos sur Internet. J'ai vu les photos sur Internet, c'est tout. Non, mais attends, toi tu la fermes pour l'instant, je réponds à Florent. Ras-le-bol, parce que c'est du lundi au vendredi que j'entends ça sur la radio. Mais c'est la vérité. Non, non, mais ça c'est faux. Gérard, non, mais moi je vais finir, te répondre. Maintenant, je commence à avoir ras-le-bol de cette histoire-là. Hein? Alors, bon, c'est toi, Gérard. Que tout le monde arrête leur connerie comme ça. Sinon, il y a un ultimatum. Ça, je commence à un ras-le-bol. Sinon, il y a un ultimatum. Non, il n'y aura pas d'ultimatum, mais là, moi, je commence à un ras-le-bol. Le lundi, c'est que ça. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. J'entends que ça sans arrêt. Alors là, cette histoire de locaux, je commence à avoir plein de cul. C'est clair et net. C'est le cas de le dire, t'en as plein le cul. Oui, c'est ce qu'on dit, justement. Il y a Anthony sur Minitel qui demande combien de semaines tu gardes le même slibard. Je ne le garde pas toutes les semaines, je le change tous les jours. Non mais donnez vos noms et ceux qui ont du monde derrière, c'est pas la peine. Question de Florent. Gérard, tout à l'heure t'as dit que t'avais eu un problème et que t'avais perdu une dent. Est-ce que c'est parce que tu t'es pris la bite de Tony dans la gencive? Non. Manu qui demande si tu peux baisser les prix des pipes que tu fais à la loco. Ouais, c'est un peu cher. Ouais, non, c'est Gérard. Non, je répondrai pas à la question. Gérard, est-ce que tu repasses tes chemises? Non. Et Gérard, est-ce que tu te laves tous les jours? Merci pour celui qui rote. Oh, il est dégueulasse. Gérard, quels sont tes programmes préférés à la télé? De quoi? Tes programmes préférés à la télé? La 6. Le film du dimanche soir sur la 6. Non. Ah oui, Gérard. Non, tu vois, je regarde pas les films de cul. Alors déjà... Arrête de mentir, Gérard. Bon, attends, Gérard, et tout ce qui dimanche soir, tu as regardé? Il aime regarder les films de cul. De quoi? Tout est possible. Tu connais le titre du film de dimanche soir? Non, parce que j'ai pas regardé. Gérard, c'est vrai que tu t'es acheté un vibromasseur le Gérard, déjà, tu connais. C'est bon, qui c'est qui vient de poser une question là? J'ai pas entendu. Il y a une nana qui a posé une question, je voudrais bien qu'elle la repose. Pourrais-tu faire des films de cul? C'est encore Alan, hein. Gérard, est-ce que tu veux faire des films de cul? Non. Ouais. Gérard, ça te dit. Il paraît que ça a été embauché. Non, mais ça y est, les mecs, vous la fermez, vous laissez parler Alan un peu maintenant. Bah, Alan, je te laisse la parole. Ça reste pas. Et Alan parle ça, plus fort. Ouais, Alan, c'est un mec, hein. Et Alan, c'est un mec, hein. Wow! Wow! Tu la touches là ou quoi? Ouais! Ou sinon, je laisse. À quand la vidéo amateur entre Christine et Gégé? Ouais. Alors là, il n'y en aura aucune et t'arrêtes avec Christine, s'il te plaît, merci. Bah avec Carole, alors. Et Gérard, non, plus avec Carole, vous arrêtez avec ça. Avec Françoise. Gérard, que devient Carole? Je n'en sais rien. Gérard, sur quelle chair tu vas défiler à l'Europride samedi? Avec Maïté, il va aller. Quoi? Sur quelle chair tu seras pendant l'Europride samedi? Il n'y a rien du tout prévu. Ah, bon, tu fais pas l'Europride? Non, je reste chez moi, je dors. Pourquoi tu la fais pas? Gérard, c'est faux. Ça te concerne pourtant. Mise à la loco, c'est pour ça. Gérard. Qui c'est qui parle? Karen. Ah, le repas. Karen, vas-y. T'as une meuf en ce moment? Non. Il a un mec. Vas-y, il a un mec. T'as un mec? Non plus. Arrête de mentir, on sait que t'es une nana. Je vous dis, j'ai pas de nana. Il y a plusieurs mecs, il a. Alors, Karen. T'as peut-être un mec et une meuf, hein? Gérard, non, mais attends, Karen. Eh, Gérard. Toi, Karen. Karen. Ouais. Je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé est-ce que j'avais eu un mec. Je t'ai répondu non. Est-ce que j'ai une nana? Je t'ai répondu non. Bah, c'est une célibataire. Alors, est-ce que je peux parler? Bah, pourquoi? Si t'es beau et intelligent, tu voudras avoir une meuf. Ouais, mais il est pas beau, il est pas intelligent. Alan, est-ce que je peux parler, Gérard? Vas-y. Gérard. Alan. Vas-y. Hey, Gérard, es-tu un androgyne? Hey, Gérard, es-tu hétérosexuel? Non. C'est Gérard. Pourquoi? Je suis pas hétérosexuel. Il est bisexuel. Gérard, es-tu un androgyne? Question de Jack. Est-ce que tu suces Christine? Je répondrai pas à cette question. Est-ce que Christine suce bien? Gérard, es-tu bisexuel? Non. Bah voilà. Es-tu homosexuel? Non. Mais t'as forcément une tendance sexuelle. Zoosexuel, Gérard. Es-tu asexué? C'est normal, c'est ça? Oui. Bon, bah, de manière générale. Est-ce que ton numéro de tatou est bien le 06 08 50 90? Mais c'est pas ton numéro de tatou, j'ai dit n'importe quoi. Gérard! Eh ouais, la pétasse qui a dit numéro de le numéro de la cabine, ça commence par 01 42. Tu veux pas me virer? En t'énervant? Par accroche. Vire-moi au standard. Hey, Gérard, reviens. Gérard, s'il te plaît, t'as un débat, t'as des Gérard, auditeurs. Tu reprends ton casque, tu reprends ton micro et tu parles. Gérard, reviens, on a pas trop mis que tu répondais à toutes les questions, donc vas-y, tu réponds à toutes les Désolé, questions. Désolé, Florent a donné un numéro complètement bidon, 06 08 50, je sais pas quoi. C'est pas ton numéro, alors tu reprends ton micro, tu reprends ton casque et on finit le débat. Ils vont poser des questions autres, t'inquiète pas. La question, elle était simple, est-ce que tu suces Christine? Non, on parle entre nous. Gérard, est-ce que tu te branles sur les pages des petites culottes de la Redoute? Ça concerne pas Christine ou Carole, parce que je pense pas qu'elle pose dedans. Françoise. C'est 3-6, je crois, non? La réponse. Gérard. Gérard. Gérard, ici la Terre. Voilà. Gérard. Alors, vas-y. Gérard, pourquoi est-ce que t'as trompé Fun Radio avec Europe? Alors là, là, je vais te dire une chose. Là, espèce de petit con. Dis-nous une chose. Gérard, attends, ta gueule, toi. Gérard, pourquoi est-ce que t'as trompé Fun Radio avec Europe 1? Réponds à cette question, Gérard. Alors, je vais te dire une chose. Dans ce cas-là. Attends. Qu'est-ce qu'il a mal l'air de plus que Max? Votre correspondant va vous reprendre. Merci pour. On continue. Hein, qu'est-ce que Malher a de plus que Max? Alors, je vais te dire une chose. Je n'ai jamais été sur Europe 1, celui qui s'amuse à dire ça. Pourquoi est-ce que tu as fait des échanges avec Hubert? Détends-toi, Gérard. T'es passé chez Eugène Sacomano. Vous êtes des menteurs. Et il paraît que tu poses éventuellement. Allez, c'est bon. On va, je vais terminer là parce que vous commencez à me prendre la tête. Pourquoi est-ce que tu as sucé des lépreux pour passer dans tout est possible? Non mais attends, déjà, je n'ai jamais passé sur Gérard, pourquoi est-ce que tu plus des concombres avec ton anus? Gérard, je peux te poser une question? Vas-y. Et c'est vrai que tu vas faire un débat sur France Culture? Non. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai vu ça dans Télé 7 jours. Ouais, mais attends, dans ces cas-là... Alors attends, Florent, c'est bien parce que à chaque fois que tu dis quelque chose, tu m'as entendu, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois... À chaque fois, vous croyez que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je t'ai entendu, c'est malheur. Dans ces cas-là, c'est simple, il est 3h20. Il est 3h20. 21 secondes. Il est 3h21, donc arrête c'est terminé. Arrête de me parler, t'es nerveux, Gérard, bordel. Moi, attends, si ça te plaît tu pas, vas, toi... Max a dit que tu vas jusqu'à 3h30. Non. Max a dit que tu vas jusqu'à 3h30. Max, il a qu'à venir, moi j'arrête. Il paraît qu'on t'a entendu chez Sam Z. Ouais. C'est ça. C'est ça, bah allez-y. Non, il paraît qu'il s'est fait enculer chez Maurice. J'ai entendu chez Maurice sur Skyrock. Voilà, c'est ça, t'as raison, continue. Bon, je te signale qu'on en était, le débat que t'avais lancé. Non, mais attends, déjà, les mecs, ils vont arrêter de dire qu'ils m'entendent sur dans le micro, s'il te plaît. Déjà, ils vont arrêter de dire qu'ils m'entendent sur n'importe quelle radio parce que c'est faux. C'est ce qu'on nous dit, et nous, je te signale qu'on nous appelle dans le bureau pour nous demander ça. Oui, et bien alors, dans ces cas-là, ce qu'on te dit, pour moi, on, c'est des cons. Non, hein? Si on entend une autre personne que moi, ça, c'est différent. C'est parce pas... pour moi, les mecs qui disent « Ouais, on entend Gérard un peu partout. » Gérard, moi, c'est quoi le numéro de ta gueule. Ta gueule. T'es marrant quand tu dis ça. Ouais, je suis marrant, espèce de petit con. Hein. Et toi, tour du cul. Eh ben, vous voyez, la semaine prochaine, j'avais prévu de faire un karaoké comme c'était prévu depuis... Non, c'est pas toi qui as prévu le karaoké, c'est Max, après ton débat. Eh ben, justement, il n'y aura rien du tout. Ben, si le karaoké, c'est pas toi qui le fais, Gérard. Eh ben... Dans ce cas-là, il n'y aura même pas de débat. Tu feras karaoké sur RTL. Bon, et je te signale que c'est pas. Les gens ont le droit de nous appeler, nous dire oui, on a entendu Gérard, mais je te signale que c'est peut-être des gens qui se font passer pour toi. Oui. Tout simplement, ça a été le cas. Nous, on nous a fait écouter des cassettes. Effectivement, on a tiqué, on a dit bon, c'est Gérard. On s'est renseigné, on a vérifié. En fait, c'est pas toi. Mais c'est des gens qui se font passer pour toi. Mais peut-être. Non, c'est lui. C'est lui. Attends, à moins que ça soit toi. Non, t'as dit si maintenant. Ouais, mais non, il paraît que t'es passé sur Fun Radio avec Max. Bien sûr, je suis à Fun Radio. T'as pas le droit de passer. Non, c'était pas toi, c'était un imitateur qui est passé chez Max. Menteur, t'as mis ta cabine. T'es pas toi qui t'es battu à imiter Gérard. Attends, toi t'as dit si maintenant. T'as dit que t'avais des preuves alors. Mais on te les a passées les preuves sur l'antenne, les cassettes, Gérard. Non, ouais. C'est du baratin de toute manière, toutes les cassettes. Gérard, c'est vrai que tu vas faire de la télé? Non. Ah bon? Il paraît que tu vas faire un truc avec Patrick Sébastien. Non. Et que tu vas faire le journal du Herd avec Philippe Vandel. Il va repasser Paul Prébois. Non plus. Et avec Jean Lefebvre, c'est vrai? Non plus. Parce qu'il paraît qu'il y aurait une grande histoire d'amour avec Jean Lefebvre. Non plus. C'est un grand acteur, Jean Lefebvre. Tu vas faire du théâtre avec lui, il paraît. Non. Ouais. Et tu vas repasser Micheline avec Maïté? Non. Pourquoi? Arrête de mentir. Non mais ça y est. Allez, t'as un trop beau cul. Alors tu nous as dit une recette, Gérard. Moi, à mon avis, tu vas faire un truc avec Maïté. Ouais. Ouais. On va s'assurer. Je le sens bien, moi. Non, bah, trop fort. Bah, vous verrez bien. Ah, on verra bien. Vous verrez bien avec qui je ferai des recettes. Avec Maïté, tu pourras te la prendre aussi. Je ferai des recettes avec la personne que j'aurais trouvée. Mais Maïté, c'est son vrai nom ou... Moi non, mais je ferai une recette avec... je ferai de la cuisine avec la personne. Parce que je sais cuisiner. Maïté, elle s'appelle Maïté Majax. Et je ferai... Tu sais quoi, Gérard, tu sais quoi, je sais cuisiner. Je sais cuisiner, mais... Quel menteur, dit aussi que tu sais parler. Non, je sais faire de la cuisine. Et en plus, il dit qu'il est beau. Ah, il ment. Bah, ça se trouve, c'est vrai. Il dit qu'il est intelligent, il sait même pas ce que c'est que civilisation. Bon, Gérard, est-ce que tu es intelligent? Gérard, tu fais de la radio, donc s'il te plaît, tu continues. Non, mais je continue à répondre. Gérard, tu t'es arrêté où à l'école? CM2, je l'ai déjà dit. CM2, il avait 23 ans. Ah ouais, c'est pour ça. Non, 17. Il avait 23 ans en CM2. 17. On comprend maintenant. Il avait 17 ans en CM2. Eh non, mais vous savez que le pire, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment vrai, quoi. Il a arrêté au CM2, il avait 17 ans. Non, attends, qui c'est qui dit ça? Pourquoi hein? Franchement, il est fort. Non, mais attends, qui c'est qui vient de dire ça? C'est Caramel. Non, c'est pas Caramel, c'est une voix de nana. C'est Caramba. Non plus. C'est Bonbon. C'est Micheline. C'est Malabar. C'est Ginette. C'est Ginette. Ginette. Qui a encore dit ça, encore une pétasse, encore une fille. Attendez, pour l'instant, pour l'instant, j'ai pas insulté personne encore. Ouais, mais on te connaît, Gérard, tout à l'heure, tu rigoles, t'as insulté personne? Non, mais... Tu veux que je te dise le nombre d'insultes? Ouais, bah, je sais, ça là. Peux-tu dire la minute? Oh, dépêche de l'AFP sur Minitel. Gérard va remplacer Cousteau pour étudier l'accouplement chez les thons. Ouais, ouais. Bah, alors là, voilà. Je vais te dire une chose, tu vois. Le mec qui vient de dire ça sur Minitel, c'est Didier. Comme ça, c'est blindé avec l'expérience. C'est qui? Didier. Didier, eh ben, je vais te dire une chose, tu vois. Non, c'est sur l'AFP hein, qu'il a non, vu non, ça. Non, mais même. Je préfère même pas lui répondre. Gérard. Pourquoi? Gérard, c'est vrai que tu veux remplacer Gildas? Ouais. Parce que la question qu'il vient de poser. Non, c'est une affirmation, c'est pas une question. Ouais, mais même. Pour l'instant, c'est faux. Donc, qu'il laisse dormir en paix. Gérard, pourquoi est-ce que t'as assassiné Cousteau? Pourtant, tu t'y connais en ton, toi. Non. Ah, si, tu connais les tons. Ouais, de toute manière, j'ai eu que ça. Alors. Gérard, pourquoi est-ce que t'as tué Kennedy? Eh Gérard, toi t'es pas un ton hein. Non. Heureusement pour moi. Heureusement pour moi que je suis pas un ton. Eh Gérard, c'est toi le plus beau de la radio, c'est vrai? De quoi? C'est vrai que t'es le plus beau de la radio? J'ai jamais dit ça. Gérard, oui, est-ce que c'est vrai que t'es le plus beau de Europe 1, Gérard? Gérard, est-ce que c'est vrai que Christine c'était un palmipède? Alors je te réponds pas. Je viens de dire que je répondrai par oui ou par non en laissant Christine Aurore et Carole de côté. S'il vous plaît. Alors, je commence à en avoir ras-le-bol avec ces questions-là. Ouais. T'as raison, Gérard. Il faut les envoyer chez les auditeurs. Rebelle-toi, Gérard. Ouais. Non, mais déjà, c'est un mec qui a dit ça, donc celui qui a dit ça, il va se taire. Gérard, c'est toi qui viens vers les filles ou c'est les filles qui viennent vers toi? Ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend. Je peux très bien aller vers les filles. Il va vers les mecs plutôt, je pense. Gérard, je croyais que t'avais dit que tu répondais que par oui ou par non. Ben, je te réponds clairement à ta question. Je peux aller aussi bien. Oui ou non, c'est tout. Non, tu peux te répondre d'autres questions? Je peux te répondre d'autres questions? Tu pourras me répondre clairement alors? Je te pose d'autres questions. Non, Gérard, donne des détails. Ouais, des détails, ouais. Croustillant, ouais. Non, mais quand vous aurez fini un peu là. C'est des nanas qui demandent ça. Hein. Donc je peux aller aussi bien vers une nana que la nana vient vers moi. Et pour les mecs, ça se passe comment? Là, c'est lui qui va vers eux. Ah non, bouge pas, ils vont direct aux chiottes. Il fait ça, il est hors de question là-dessus, tu vois. Il passe une annonce, il les attend au chiotte de la loco. C'est ça. À la loco, à l'entrée, t'as une entrée, une conso, une pipe. Parce que moi, je sais, Gérard, un jour, il m'a touché le cul, après, il m'a mis dans les chiottes. Oui, voilà. C'est ça, t'as raison, mon con. Mais non, il attire le mec par les signes. Tu m'as dit mon con, Gérard, c'est pas possible. Ouais, possessif, attention. Mon con. Allez, stop, on arrête. Déjà? Oui. Oh, bah non, Gérard. Ah, merci. Gérard, il y a Yannick qui s'impatiente, là. Non. C'est maintenant, Gérard, il dort, là. Donc non, mais attends, de toute façon, tu crois quand même pas que j'ai bossé dans l'Explodeur, non, mais. Obligé, je l'ai fait. C'est hors de question, quoi. Je sais pas, on va mettre une cassette, on va faire un truc, mais non. Gérard, tu vas bosser dans le studio de secours. Donc, le Fun Music System ce soir ne sera pas là, je suis vraiment désolé. Et si vous êtes pas content, à mon avis, il va y en avoir un paquet qui vont pas être contents. Vous envoyez vos lettres d'insultes et tout ça, Gérard. Au boss. Vous lui dites de changer de parfum, ce sera bien. Non, je suis rien du tout. Ouais. Gérard, oui. Le débat de la semaine prochaine, c'est... Il n'y en a pas. Si. Le sujet du débat de la semaine prochaine, c'est... Pour l'instant, il est pas... je ne l'ai pas préparé. Ah bah t'as que ça à foutre. Non, je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas préparé? Non. Mais t'as intérêt à le préparer vite fait. Hein. T'as passé de partir ou quoi? T'as pas une idée de ce que ça va être? Je suis en train de chercher si... Pourquoi les nanas nous forcent-elles à se laver? Non. Non, pas. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai trouvé le thème. Attention, Gérard, comment Gérard trouve ses sujets de débat? Je vais réfléchir 5 minutes. Non, Gérard. Non, t'as pas 5 minutes, c'est la fin, il y a une ligne, donc tu dis le sujet maintenant. Vas-y, le sujet maintenant. Alors. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, pas de blanc, hein, Gérard. Si, je suis en train de réfléchir. Putain, mais c'est donc vrai, ça lui arrive. Non, bah la preuve qu'il ne sait pas réfléchir. Non, mais dans ce cas-là, on va mettre une petite musique. Non, avant tout de suite. Non, on va faire une musique, on va passer une musique, et après je vais dire le thème du débat, je vais pouvoir je vais réfléchir dessus. Non. Je vais réfléchir avant. Ok, bah 5 minutes 13 exactement. Eh ben, ok.